le cadre de Roubaix à l'accordéon. Retrouvez Trois Souffles ce dimanche dès 11h30 au Conservatoire de Roubaix. Une pièce pour accordéon et orchestre d'harmonie, écrite et créée par Hervé Brice, jouée par l'orchestre d'harmonie de Roubaix et Bogdan Nesterenko. Entrée libre, renseignements 0320 66 46 42. Exposition Passage du Temps à découvrir du 16 octobre au 1er janvier au Tripostal de Lille. Après le succès de Bon Baiser de Lille, retrouvez les vidéos, photographies et sculptures au travers de cette formidable traversée des grandes œuvres des années 70 à aujourd'hui par l'intermédiaire de 39 artistes invités. Plus d'infos, www.lille3000.com ou par téléphone 03 59 57 94 00. Rencontre musicale autour de la musique traditionnelle vietnamienne. Mercredi 17 octobre 19h30 à Lara de Roubaix. A l'occasion de leur venue en France, trois musiciens vietnamiens pourront découvrir leur musique et instruments traditionnels. Évasion et dépaysement garantis. Une manifestation gratuite, plus d'infos 0320 28 06 50 ou sur le web ara-asso.fr. Les jeunes en formation de CAE organisent une collecte de jouets pour les enfants des foyers tourquenois. Vos cadeaux seront remis à la fin décembre lors d'une fête avec goûter et spectacle. Vous pouvez les déposer dès aujourd'hui au CAE situé 36 rue Marcel Hainaut à Tourcoing. D'avance, merci de votre générosité et n'hésitez pas à vous renseigner 0320 25 53 54. Toutes ces infos et bien d'autres encore disponibles sur galaxyfm.com, rubrique Info Régionale Galaxy. Radio Galaxy. Galaxy. Come on.